sentiment, je te chante. Yeah. À ton Jésus, je pensais à toi, maman. Yeah. À ton Jésus, je vois toujours ton image. Yeah. Tu es la personne la plus chère de ma vie. Sikiliza, yeah. Ningeomba uwe waziri wa elimu.